الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد الشيخ العلامة ابن عثيمين دي 14e assise les annulatifs du jeûne المفطرات Louange à Allah, celui qui observe l'apparence des choses et leur contenu caché, celui qui connaît le secret du serviteur, ses paroles publiques et ses pensées, celui qui seul a instauré l'univers et a innové ses diversités, celui qui dirige chacun d'entre eux dans son mouvement comme dans son repos. Il a parfait la création de toutes choses, il a ouvert les ouïes et fendu les pupilles, il a dénombré chaque feuille des arbres sur leur tronc comme sur leurs rameaux, il a étendu la terre et l'a posée, il a étendu le ciel et l'a élevé, il a fait défiler les étoiles et les a fait poindre dans l'obscurité de la nuit et ses ténèbres. Il a fait descendre la pluie en averse ou en bruine, sauvant ainsi la semence de la sécheresse. Voici la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Je le loue pour sa générosité et sa bienfaisance. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé dans sa divinité et sa souveraineté. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, soutenu par sa preuve. Qu'Allah le vante et le préserve, ainsi que son compagnon Abu Bakr, dans toutes ses affaires. Omar qui fit trembler Kisra dans son palais. L'époque de Omar ibn Khattab, son califat, et l'époque où l'expansion de l'islam et les conquêtes ont été les plus grandes. Son califat a duré 10 ans et demi, de l'an 13 à l'an 23. Et il a ouvert la Perse, l'actuel Iran, alhamdulillah, le pays des Rafida, les ennemis de l'islam, plus mécréants que les juifs et les chrétiens. Celui qui a assassiné Omar ibn Khattab, al-Farouq, c'était un majoussi, Abu Lu'lu. C'est un héros pour les Rafida. Qu'il ait tué Omar ibn Khattab, qui considère comme un tarout, lui et Abu Bakr, les deux meilleurs de cette communauté. Donc celui qui prétend l'islam et qui est leurré par l'Iran et les Rafida, que ce soit l'Iran, les Houthis au Yémen, le Hezbollah Shaitan, le Hezbollah, ceux qui s'appellent Hezbollah, par mensonge, au Liban, celui-là, s'il témoigne qu'il y a une divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est son serviteur et messager, et qu'il fait Salah, qu'il apprenne son dîn. Et qu'ils sachent reconnaître le kafir du muslim. Car il y a unanimité des savants sur le fait que les Rafida sont des koufars. Et citer toutes leurs mécréances, ça mérite une conférence à elle seule. Donc ces gens-là, dont l'origine est un juif, Abdullah ibn Sabah, un juif du Yémen, ont toujours été haineux de l'islam. Et ils n'ont rien à voir avec l'islam et les muslims. Allah al-Musta'an. Le cheikh dit ensuite qu'Allah vante et préserve Othman qui passait ses nuits éveillé avec son Coran. J'ai oublié de citer hier que Othman, il a rapporté de lui, radiyallahu an, qu'il a récité en salat al-layl, la prière de la nuit, tout le Coran en une raka'a, alors qu'il était âgé. Allah et Aïkhwa, ce sont les meilleurs de la communauté, et nous les aimons à Allah, azawajal, et leur amour est de la foi, et les détester est de l'hypocrisie et de la mécréance. Il dit, et Ali, celui qui arracha la porte de Khaybar et fit vaciller ses forteresses. La conquête de Khaybar des juifs eut lieu en l'an 7, Muharram de l'an 7, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons revint de al-Sulh al-Hudaybiyah, la trêve d'al-Hudaybiyah avec Quraysh. Et c'est lors de cet événement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La'utiyanna ghadan ar-rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasulahu yaftahu Allah ala yaday » Je donnerai demain l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager et qu'Allah et son messager aiment. Allah lui donnera la victoire. Et il le donna à Ali ibn Abi Talib. Radiyallahu an. Et il y eut une mubaraza entre Ali et Marhab, le roi de Khaybar, le roi des juifs de Khaybar. Al-mubaraza, c'est ce qu'on peut appeler un duel, ça avait lieu avant les combats, avant les guerres. Chaque armée faisait sortir ses guerriers les plus courageux qui se battaient en un contre un. Des fois c'était seulement un contre un, ou des fois c'était plusieurs, un, deux ou trois, quelques-uns, qui se battaient chacun contre un autre. Et là Marhab, le juif, sort pour faire al-mubaraza. Et la veille, il a tué Amir ibn al-Aqwa, radiyallahu an. Et il récite des vers pour intimider les musulmans. Les juifs d'Al-Madina, c'était soit des Israélis, c'est-à-dire des descendants d'Israël, Yaqub, alayhi salam, ou soit des Arabes qui étaient rentrés dans leur religion. Et c'est pour ça qu'on retrouve parfois des noms arabes aux juifs de l'époque. Et leur langue était l'arabe également. Il y avait également le fait que les Haous et les Khazraj, dans la Jahiliya, donnaient leurs enfants parfois aux juifs, afin qu'ils soient élevés chez eux, car ils avaient une haute estime des juifs. Allah al-Musta'an. Donc après, leurs enfants devenaient juifs. Donc Marhab sort et dit قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبْ شَاكِ السِّلَاحِ بَتَلٌ مُجَرَّبْ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبْ. Khaybar sait déjà que je suis Marhab, guerrier lourdement armé, héros éprouvé. Quand les guerres éclatent, je m'enflamme de rage. Il peut y avoir parmi les juifs et les koufars des gens qui ont du courage dans la guerre. Quant aux musulmans, le courage doit être une de ses qualités et de ses caractéristiques, et pas son contraire, la lâcheté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé et a dit que c'était les pires choses chez un homme, la lâcheté et l'avarice. Et en face, dans cette mubaraza, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qui arrive et qui dit « Ana alladhi sammatni ummi haydara, kalaythil ghabati karihil mandara, ou fihimu bissa'i kayla sandara. » Je suis celui que la mère a nommé Haydara, qui veut dire lion, tel un lion des forêts d'un aspect terrifiant. Je leur donnerai une mesure plus grande qu'ils ne l'imaginent, c'est-à-dire à ses ennemis. Il leur donnera pire que ce qu'ils peuvent imaginer. Puis Ali tua Marhab et Allah Azzawajal donna la victoire aux musulmans. Alhamdulillah. Et Allah Azzawajal est l'allié des croyants et des musulmans lorsqu'ils s'attachent à leur religion, au livre, à la sunna. Et tout ce qu'on voit comme humiliation à notre époque ne vient que du fait qu'ils délaissent ce que Allah Azzawajal leur a commandé, de s'attacher au livre, à la sunna. Leur grand nombre ne sert à rien. Leurs armes, technologiques ou nombreuses, ne servent à rien. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Et c'est lui qui donne la victoire. Avec les causes, bien sûr. Mais la première chose, c'est Allah Azzawajal. Et c'est pour ça que les kuffars font tout pour combattre la da'wa à Allah, ce qu'ils appellent islamisme. Tu appelles les gens à Allah ou les musulmans à revenir à Allah Azzawajal, ils appellent ça islamisme. C'est-à-dire, c'est l'islam, en fait. Car l'islamisme, la définition, c'est prêcher l'islam. Donc c'est ce que tout musulman fait. Allah al-Musta'an. Cher dit qu'Allah les vante et les préserve, ainsi que sa famille et ses compagnons, dont chacun s'est efforcé d'obéir à son Seigneur, dans son mouvement comme dans son repos. Mes frères, Allah azzawajal dit فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Ayez des rapports avec elle maintenant. Bashiruhunna, qui traduisent des fois par cohabiter, mais c'est plus spécifique que ça, ça indique les rapports. Et Allah Azzawajal dans le Coran indique toujours le rapport charnel de façon imagée. Donc là, ça indique que les deux peaux se touchent. Et cherchez ce qu'Allah a décrété pour vous, c'est-à-dire les enfants. Et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Allah a mentionné dans ce noble verset les fondements des annulatifs du jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans sa sunna ce qui complète cela. Les annulatifs sont de sept types. Le premier, le rapport charnel, al-jima'. Il s'agit de l'introduction du membre masculin dans le sexe féminin. Et comme j'ai dit hier, avec cela, la janaba a lieu. Et la personne est junoub. L'homme et la femme sont junoub tous les deux. C'est-à-dire qu'ils devront faire rousse, se laver pour accomplir la salah. Également, on peut préciser que ça a lieu avec l'introduction du gland. Par cela est établi l'acte et tous les jugements qui en découlent. Comme par exemple la zina, ou comme un jeune marié qui, à ce moment-là, ne peut plus récupérer sa dot, son mahr. Le cheikh dit, c'est le plus important des annulatifs et le plus grand en termes de péché. Dès lors que le jeûneur a un rapport charnel, son jeûne est annulé, qu'il s'agisse d'un jeûne obligatoire ou surérogatoire. L'homme qui avait fait ça pendant Ramadan, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, halaktu, j'ai péri. Donc c'était connu le grand péché qui en découle. Cheikh dit, si cela a lieu pendant la journée de Ramadan alors que le jeûne lui est obligatoire, il doit, en plus du rattrapage, al-qadha, s'acquitter de l'expiation majeure, que le cheikh appelle al-kafaratul mughalladha. Celle-ci consiste à affranchir un esclave croyant. S'il n'en trouve pas, il doit jeûner 2 mois consécutifs sans interruption, donc 60 jours. Sauf pour une excuse légale, comme les jours des deux Eid et les jours de Tashriq, qui sont des jours de fête, qui n'est pas permis de jeûner. Ou pour une excuse comme la maladie ou le voyage sans intention de rompre le jeûne. C'est-à-dire que lors d'un voyage, il atteint un niveau de difficulté où il est obligé de rompre, sans l'avoir voulu. Il dit, s'il rompt le jeûne sans excuse, ne serait-ce qu'un jour, il est tenu de reprendre le jeûne du début. Il recommence 60 jours, afin de réaliser la consécutivité. S'il ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs, il doit alors nourrir 60 pauvres. Un pauvre par jour. En donnant à chaque pauvre 510 grammes de blé de bonne qualité. Donc c'est un sa' c'est un volume. Et le cheikh donne en poids. Et il dit le riz peut remplacer le blé, mais il faut tenir compte du poids. Si le riz est plus lourd, on augmente le poids proportionnellement. Et s'il est plus léger, on le diminue d'autant. Car par rapport au volume, les différentes choses qui sont prises en volume ont des poids différents. Et le sa, c'est 4 mouds. Et le moud, c'est les deux mains jointes d'un homme moyen qui prend la céréale. Le blé, c'est le blé en grain, pas la farine. Et la preuve, c'est dans Sahih Muslim qu'il est rapporté qu'un homme a eu un rapport avec sa femme pendant Ramadan et a sollicité l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Al tajidu raqaba ?» Est-ce que tu as un esclave ? Il dit non. Il dit « Al tastati'a siyam shahrayn ?» Est-ce que tu peux jeûner 2 mois ? Il dit non. Il dit « Fa'at'im sittina miskina ?» Alors je nourris 60 pauvres. Muttafaqun alayh. Également, si quelqu'un a un rapport au moment de l'adhan du Fajr, il arrête immédiatement et il n'y a rien sur lui. Mais s'il continue, alors il a rompu son jeûne. Deuxièmement, l'émission de sperme, al-mani. Par choix, que ce soit par baiser, attouchement, masturbation ou tout autre procédé similaire. Et comme j'ai dit hier, le mani existe pour l'homme et la femme. Ils ont des aspects différents, mais il existe pour les deux. Et Oumou Salama avait interrogé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a le rose pour la femme lorsqu'elle fait irtilam, idar talamat. Et il lui a dit, na'am, idara telma. Oui, lorsqu'elle voit le liquide. Cher dit, en effet, cela relève du désir, al-shahwa, que le jeûneur se doit d'éviter, comme il est rapporté dans le hadith. Yada'u ta'ama wa sharaba wa sharwatahu min ajli. Il délaisse sa nourriture, sa boisson et son désir pour moi. Rapporté par al-Bukhari. Quant aux baisers et aux caresses sans émission, il n'annule pas le jeûne, conformément au hadith de Aïcha dans les deux Sahih, qui a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait tout en étant à jeun et caressait ses épouses tout en étant à jeun, mais il était celui d'entre vous qui maîtrisait le mieux son désir. » Donc il pouvait embrasser ou enlacer ou toucher ses épouses sans que ça n'aille loin. Et dans Sahih Muslim, Omar ibn Abi Salama a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Le jeûneur peut-il embrasser ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Interroge celle-ci. » Désignant Umm Salama, elle informa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait ainsi. Le prophète dit alors « Ama wallahi inni la atqaakum lillahi wa akhshaakum lah. » Par Allah, je suis certes celui d'entre vous qui craint le plus Allah et qui est le plus pieux envers lui. Donc c'est permis de par l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne l'a pas conseillé à sa communauté. Par ces paroles-là, on comprend cela. Le cheikh dit « Cependant, si le jeûneur craint pour lui-même l'émission, c'est-à-dire le mani, par le baiser ou autre, ou de se laisser entraîner vers le rapport charnel par manque de force pour contenir son désir, alors le baiser et ce qui y ressemble deviennent interdits à ce moment-là, afin de fermer la porte aux moyens menant au péché, et de préserver son jeûne de la nullité. Ce qui amène au haram est haram. Donc là, le baiser qui est permis devient haram si ça conduit à ce haram-là, le fait de rompre son jeûne. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui fait ses ablutions d'exagérer l'aspiration de l'eau par le nez, sauf s'il est à jeun, de peur que l'eau ne s'infiltre dans son gosier. C'est-à-dire qu'il avale l'eau. Al-istinshaq, le fait de faire rentrer l'eau dans son nez lors des ablutions. Et al-istinthar, le fait de faire sortir l'eau. Et sur ce sujet, on peut citer les nouveaux mariés. C'est pour ça qu'il n'est pas recommandé de se marier juste avant Ramadan. Donc qu'ils craignent Allah et qu'ils s'écartent de ça. Le cheikh dit ensuite, quant à l'émission de sperme suite à un rêve érotique à l'irtilam, comme on a dit hier, ou par la simple pensée sans acte, cela n'annule pas le jeûne. Alors le cheikh parle de réfléchir à ça, à tafkir, donc de façon éveillée. Je ne vois pas trop ce qu'il veut dire qui peut amener à ce que le mani sorte. Ensuite, le fait d'avoir des pensées, si c'est des pensées en pensant à sa femme, alors il doit délaisser ça durant Ramadan. Et si c'est d'autres pensées, il doit délaisser ça, que ce soit Ramadan ou en dehors de Ramadan. Allah al-Musta'an. Il dit ensuite, en effet, le rêve érotique se produit sans le choix du jeûneur, car il dort. Donc la plume qui écrive les actes, les péchés et les bonnes actions, n'écrit rien pendant que la personne dort. Quant à la pensée, elle est pardonnée selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. » Certes, Allah a pardonné à ma communauté ce qui traverse leur esprit tant qu'ils ne le mettent pas en acte ou ne l'expriment par la parole, rapporté par le Bukhari et Muslim. Mais penser aux actes comme il le cite là, qui amène à ce qui est du mani, ce n'est pas simplement une pensée qui traverse son esprit. Donc la personne se doit de délaisser ces pensées-là. Troisième annulatif, le manger ou le boire. Il s'agit de l'introduction de nourriture ou de boisson dans le corps par la voie de la bouche ou du nez. Quel que soit le type d'aliment ou de boisson, conformément à la parole d'Allah Azzawajal. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Par le nez, c'est-à-dire si quelqu'un fait intentionnellement entrer de l'eau, par exemple, dans le nez et qu'il avale, il a rompu son jeûne. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait rentrer par la bouche qu'il ne va pas rompre son jeûne. Le jugement est le même. As-sa'ut, le fait de rentrer du liquide par le nez, est semblable au manger ou au boire, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de l'Aqit ibn Sabira, radiyallahu an, wa balir filistin shaqi illa an takuna sa'ima, et exagère l'aspiration de l'eau par le nez, sauf si tu es en état de jeûne. Rapporté par les cinq et authentifié par At-Tirmidhi. Et Cheikh Al-Albani l'a authentifié également. Quant au fait de humer des odeurs, cela n'annule pas le jeûne, car l'odeur n'est pas une substance matérielle pénétrant dans le corps. Par contre, la cigarette annule le jeûne, bien évidemment, car il y a des composants qui rentrent dans l'estomac. Et la cigarette, Allah al-Musta'an, est haram, que ce soit pendant Ramadan ou en dehors. Donc le musulman qui fume profite de Ramadan pour délaisser complètement cet acte blâmable et humiliant qui lui coûte de l'argent et sa santé. Et Allah Azzawajal a dit « Wa la taqtulu anfusakum, inna Allah kana bikum rahima » et ne vous tuez pas vous-même, Allah est miséricordieux envers vous. Allah, le fait de fumer est un des actes les plus bêtes que l'être humain peut faire. Allah al-Musta'an. Quatrième annulatif, ce qui a le sens du manger et du boire, et cela comprend deux choses. Le premier des deux, la transfusion sanguine chez le jeûneur. Par exemple, s'il est victime d'une hémorragie et qu'on lui injecte du sang, il rompt alors son jeûne, car le sang est l'aboutissement ultime de la nutrition par le manger et le boire. Et cela a été réalisé par l'injection de sang. Le cheikh dit en note, c'est ce que je pensais auparavant, puis il m'est apparu que la transfusion sanguine n'annule pas le jeûne, car ce n'est ni du manger ni du boire, ni une chose du même sens. Le principe de base est la validité du jeûne jusqu'à ce que sa nullité soit prouvée, et l'une des règles établies est que la certitude ne s'efface pas par le doute. Al-yaqin la yazulu bishak. Il est connu des savants qui peuvent avoir un avis et avoir un autre avis demain. Ceci car ils font des efforts d'interprétation par rapport aux preuves qu'ils ont. Et il se peut qu'ils aient une preuve, qu'ils connaissent une preuve qu'ils ne connaissaient pas auparavant, ou il se peut que leur avis change à cause d'une chose. L'important est la volonté d'accéder à la vérité. Et c'est pour ça que vous trouvez de l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, plusieurs avis sur les mêmes sujets. Et personnellement, sur ce sujet, je suis plutôt d'accord avec son premier avis, qui est que la transfusion sanguine, lorsqu'elle est injectée à celui qui jeûne, ça rompt son jeûne. Car le sang contient de l'eau. Et ça remet de la vitalité à celui qui en a besoin. Donc je vois que ça a le jugement du manger et du boire. Au minimum de l'eau. Et lorsqu'on avale de l'eau, l'eau va dans les veines. Et dans le sang. Qui est ensuite filtré par les reins. Pour produire l'urine. Quant à celui qui donne son sang, alors la vie juste est qu'il ne rompt pas son jeûne. Comme pour la hijama. La vie juste est que ça n'annule pas. Le cher dit, le second, les injections nutritives. Perfusion, qui remplace le manger et le boire. S'il y a recours, il rompt son jeûne, car bien qu'elles ne soient pas réellement de la nourriture ou de la boisson, elles en ont le sens. Elles revêtent donc le même statut juridique. Donc nutritif, c'est par exemple les poches de glucose ou de sodium. Quant aux injections non nutritives, elles n'annulent pas le jeûne, qu'elles soient administrées par voie intramusculaire ou intraveineuse, et ce même si le jeûneur en ressent la chaleur dans sa gorge. Elles ne rompent pas le jeûne, car elles ne sont ni nourriture ni boisson, ni de même sens, et le statut de ces dernières ne s'applique donc pas à elles. Il ne faut pas tenir compte de la présence du goût dans la gorge pour ce qui n'est ni manger ni boire. C'est pourquoi nos juristes, les fuqaha, ont dit « Si quelqu'un enduisait la plante de son pied de coloquinte et en ressentait le goût dans sa gorge, son jeûne ne serait pas rompu. » Cheikh al-Islam Taymiyyah, rahimahullah, a dit dans son épître « La réalité du jeûne. » Il n'y a dans les preuves aucun élément stipulant que l'annulatif qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont défini comme tel serait ce qui atteint le cerveau ou le corps. Ou ce qui pénètre par un orifice, ou ce qui parvient à l'estomac, ou autre notion similaire, que les auteurs de ces propos considèrent comme le fondement de la règle chez Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il ajouta, et s'il n'y a pas de preuve montrant qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont lié la règle à cet attribut, alors affirmer qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'ont considéré cela comme annulatif, que pour cette raison, revient à parler sans science. Fin de ses propos, rahimahullah. Et c'est l'avis également de Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Fawzan. Le cinquième annulatif, l'extraction du sang par la ventouse, al-hijama. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aftar al-hajimu wal-mahjoum. Celui qui fait la hijama et celui à qui on fait ont tous les deux rompu leur jeûne. Rapporté par Ahmed à Abu Daoud, d'après le hadith de Shaddad ibn Aous, et il est authentifié par Cheikh al-Albani al-Wadiri. Al-Bukhari a dit, il n'y a rien de plus authentique sur ce sujet. C'est l'avis de l'imam Ahmed et de la plupart des juristes du hadith. Le don de sang important qui affecte le corps de la même manière que la ventouse est considéré comme ayant le même sens que l'extraction de sang par la ventouse. Par conséquent, il n'est pas permis au jeûneur d'un jeûne obligatoire de faire un don de sang important, sauf s'il y a une personne en état de nécessité dont le besoin ne peut être comblé que par cela, et s'il n'y a pas de préjudice pour le jeûneur à ce qu'on lui prélève du sang. Dans ce cas de nécessité, cela est permis, mais il rompt son jeûne ce jour-là et doit le rattraper. Quant au sang qui sort par le saignement de nez, la toux, les hémorroïdes, l'extraction d'une dent, l'incision d'une plaie, l'analyse de sang, une prise de sang, ou la piqûre d'une aiguille, cela n'annule pas le jeûne, car ce n'est ni une ventouse, ni de même sens, étant donné que cela n'affecte pas le corps comme le fait la ventouse. Donc l'avis de Cher est que la hijama annule le jeûne. Il se base sur le hadith qui est authentique, mais dans Sahih al-Bukhari, d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait hijama en étant muhrim, et il a fait hijama en étant jeûneur. Donc c'est un sujet où il y a beaucoup de divergences chez les savants. Et on va citer la parole de Shawkani, rahimahullah, qui dit « On rassemble, on réunit entre les différents hadiths en disant que la pratique de la hijama est détestable, makruha, pour celui qu'elle affaiblit. Cette réprobation s'accentue si l'affaiblissement atteint un degré tel qu'il devient une cause de rupture du jeûne. En revanche, elle n'est pas détestable pour celui qu'elle n'affaiblit pas. Quoi qu'il en soit, il est préférable pour le jeûneur d'éviter la hijama. Il convient donc d'interpréter sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait hijama et celui à qui on fait ont rompu leur jeûne, au sens figuré, en raison des preuves qui détournent ce propos de son sens littéral. » Fin de citation. Alors quant au sens figuré, le majaz qu'on appelle en arabe, ça on ne voit pas qu'il y a du majaz dans la langue arabe, mais on peut comprendre le hadith par le fait que la hijama sera une cause de rupture, et que la hijama en soi n'est pas une rupture en annulatif du jeûne. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait hijama alors qu'il jeûnait montre clairement que ce n'est pas un annulatif. Et donc c'est ce qui nous permet de comprendre ce hadith d'une autre façon que ce qu'on pourrait penser à premier abord. Et tout ce sujet n'a pas lieu d'être si le jeûneur attend le liftar pour faire sa hijama. Le sixième annulatif, le vomissement volontaire. Il s'agit de faire sortir ce que l'estomac contient comme nourriture ou boisson par la bouche d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam « Man dara'ahu al-qay, falaysa alayhi qada, wa man istaqa'a amdan falyaqdi » Celui qui est gagné par le vomissement n'a pas de rattrapage à faire, c'est-à-dire qu'il vomit involontairement. Mais celui qui se fait vomir doit rattraper sa journée, rapporté par les cinq sauf An-Nasa'i et authentifié par Al-Hakim. Ce hadith a été cité par l'imam Al-Wadi'i dans son livre « Hadith Mu'alla, Zahiru al-Siha ». Donc des hadiths mu'al, c'est le hadith qui a une illa, qui a un défaut. Donc des hadiths avec des défauts dont l'apparent est l'authenticité. Puis il a cité ce hadith. Et il a cité que lorsque tu regardes le hadith, tu trouves que ses rapporteurs sont les rapporteurs du sahih. Mais Al-Hafidh Al-Mundhiri a dit, comme dans Aoun Al-Ma'boud, qu'Al-Tirmidhi a dit, Mohamed a dit, c'est-à-dire Al-Bukhari, Al-Tirmidhi fait partie des élèves d'Al-Bukhari, donc il l'appelle Mohamed. Donc Al-Bukhari a dit, La arahu mahfouza, c'est-à-dire qu'il ne voit pas qu'il est authentique, qu'il soit rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il cite également que Abu Daoud a dit, J'ai entendu Ahmed ibn Hanbal dire, Laysa min dha shay. Donc il n'y a rien sur ça, sur ce sujet. Et Al-Khattabi a dit, il veut dire que le hadith n'est pas mahfoud. Donc comme on le voit, le hadith a été critiqué par les deux imams Al-Bukhari et Ahmed. Le cheikh dit, le sens de gagner par le vomissement et que cela s'impose à lui malgré lui, le jeûneur rompt son jeûne s'il provoque le vomissement délibérément, soit par un acte, soit par l'odorat, et ressentir une chose délibérément pour vomir, soit par la vue. Dans tous les cas, il rompt son jeûne. En revanche, si le vomissement survient sans cause de sa part, cela ne lui nuit pas. Si son estomac est barbouillé, il n'est pas tenu de retenir le vomissement car cela lui nuirait, mais il doit laisser faire sans chercher à vomir ni à s'en empêcher. Donc comme on a vu, le hadith n'est pas authentique et il est rapporté que Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit « Ce qui annule le jeûne est ce qui rentre, pas ce qui sort. » Et c'est l'avis de Cheikh Morbil et de Cheikh Ibn Baz. Le septième annulatif, la sortie du sang des menstrues, al-haid, et des lochi, al-nifas. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la femme, « Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum » N'est-il pas vrai que lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne prie pas ni ne jeûne? Dès lors qu'elle voit le sang des menstrues ou des lochis, son jeûne est annulé, que ce soit au début de la journée ou à la fin, fût-ce un instant avant le coucher du soleil. C'est-à-dire si c'est juste avant 5 minutes, 10 minutes avant le maghrib, cette journée ne compte pas et elle devra la rattraper. En revanche, si elle ressent le déplacement du sang mais qu'il ne sort pas avant le coucher du soleil, son jeûne est valide. Il est interdit au jeûneur d'avoir recours à ces annulatifs si son jeûne est obligatoire, comme le jeûne de Ramadan, l'expiation, la kafara ou le vœu, an-nadr. Le vœu, c'est de se rendre obligatoire une chose qui n'est pas obligatoire, en disant « Lillahi alayhi kada wa kada »« Allah, sur moi, que je fasse telle chose et telle chose. » Et ce n'est pas une chose qu'il convient d'utiliser. Cher dit, à moins qu'il n'ait une excuse autorisant la rupture du jeûne telle que le voyage, la maladie ou autre. En effet, quiconque s'engage dans une obligation est tenu de la mener à son terme, sauf pour une excuse valable. De plus, celui qui a recours à l'un de ces annulatifs durant la journée de Ramadan sans excuse valable a l'obligation de s'abstenir de manger pour le reste de la journée ainsi que de rattraper ce jour. Quant au fait que celui qui rompt le jeûne durant une journée de Ramadan sans excuse valable, volontairement, qu'il doit rattraper, ceci n'est pas correct. L'avis juste est qu'il n'a pas à rattraper et qu'il doit faire tawbah, qu'il doit se repentir à Allah Azzawajal et qu'il n'a pas à rattraper car Allah Azzawajal a permis de rattraper seulement aux gens qu'il a cités, comme le malade ou le voyageur. Ou la femme qui a ses lochis, qui a ses menstrues, comme on vient de le voir. Donc Allah Azzawajal ne nous a pas informé que celui qui rompt sans excuse peut rattraper ce jour. Et certains savants disent, s'il jeûnait même 100 ans, il rattraperait pas ce jour-là. Ça serait pas équivalent à ce jour de Ramadan qu'il a délaissé. Et c'est le même sujet pour la salah. Celui qui délaisse volontairement sans excuse une salah, il n'a pas à la rattraper. Il doit faire tawbah. Car elle n'est pas acceptée d'Allah Azzawajal. Le cheikh dit ensuite, dans le cas contraire, s'il avait une excuse, il doit seulement le rattraper sans être obligé de s'abstenir le reste de la journée. Par exemple, s'il est malade ou il est en voyage, il peut continuer de manger toute la journée durant son voyage ou sa maladie. Quant au jeûne surérogatoire, at-tatawwu', il est permis de le rompre même sans excuse, bien qu'il soit préférable de le terminer. Mes frères, préservez vos actes d'obéissance, écartez-vous des péchés et des interdits, implorez le Créateur de la terre et des cieux et exposez-vous aux effluves de sa générosité, car ses dons sont immenses. Sachez qu'il ne vous restera de votre bas monde que ce que vous avez passé dans l'obéissance à votre maître. Saisissez donc le butin tant qu'il est encore temps et visez le profit avant que ne survienne la perte. Ô Allah, accorde-nous la réussite pour mettre à profit notre temps et l'occuper par les bonnes œuvres. Ô Allah, comble-nous de ta grâce et de ta bienfaisance et traite-nous avec ton pardon et ton absolution. Ô Allah, facilite-nous l'accès à la voie aisée. Écarte-nous de la difficulté et pardonne-nous dans l'au-delà comme dans la vie présente. Ô Allah, accorde-nous l'intercession de notre prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, fais-nous arriver à son bassin et fais-nous y boire une gorgée après laquelle nous n'aurons plus jamais soif, ô Seigneur de l'univers. Ô Allah, vante et préserve ton serviteur et prophète Mohammed ainsi que sa famille et tous ses compagnons. Alhamdulillah.